Chapitre 6e. Le zèle d'une belle âme. Armande vint tout devant de lui comme il descendait de voiture. Leurs regards se furent à peine croisés, qu'il sentit que quelque chose de grave avait dû arriver pendant son absence. Mais le temps n'était plus, où en rentrant, il l'interrogeait sur tout et sans crainte. Interrogation, aussi bien que réponse, ne pouvant porter que sur l'imprévu, peu compromettant d'une vie où tout se passait au grand jour. Les enfants étaient accourus à la suite de leur mère. Un domestique dételait le cheval, et les gens de la ferme allaient et venaient dans la cour vacant aux travaux du soir. Il lui prit le bras, l'emmena dans le jardin et envoya les enfants à la maison. Lorsqu'ils furent arrivés à un endroit où ils se savaient en sûreté contre les oreilles curieuses, « Eh bien, dit-il, que s'est-il donc passé ? Je crois que Madame Pigache sait notre secret. » Il respira. La tête remplie des paroles de Fabas, il n'avait pas pensé à Madame Pigache, mais à Maurice. Dans le peu de temps qu'ils avaient mis à venir au jardin, toutes les éventualités énumérées par Fabas s'étaient présentées à son esprit, non plus comme des éventualités plus ou moins possibles, mais comme des réalités menaçantes. Maurice en France, Maurice au Plessis, Maurice qui peut-être avait vu Armande. Après une telle angoisse, Madame Pigache n'était rien. Ce ne fut qu'un court moment. Son soulagement fut à peu près celui d'un homme qui, tombant d'un troisième étage, se trouve heureux de n'avoir pas les jambes cassées. Car Madame Pigache, maîtresse de leurs secrets, c'était chose grave. C'était ce qu'il avait si vivement appréhendé. Ce qui, depuis 2 mois, l'avait tant inquiété, tourmenté. Mais ce qui était bien plus grave encore, c'était qu'Armande sut que ce secret était connu. Madame Pigache, on pouvait agir sur elle, la faire taire, si elle s'obstinait à parler, l'éloigner. Armande, comment la rassurer ou la consoler si elle apprenait que la vérité était découverte, divulguée? Il la pressa de questions. Y avait-il des menaces, des allusions, quelque chose enfin? Voici comment tout s'est passé, dit Armande. J'étais dans l'atelier, Madame Pigache était dans la chambre de travail des enfants avec Victorine, Julien et Adèle. Tout à coup, j'ai entendu la voix de Madame Pigache qui s'élevait. Puis, elle est entrée brusquement dans l'atelier tirant Victorine par la main. Elle était pâle et tremblante de colère. Victorine avait cette attitude obstinée et résignée que nous lui avons vue si souvent quand elle ne veut pas obéir. J'espère que vous pourrez forcer votre fille à me demander pardon. Je m'attendais à voir Victorine se jeter sur moi et pousser des cris. Elle ne bougea pas et me regarda. Elle était grossière et insolente avec moi, continua Madame Pigache. Non, dit Victorine, non, maman. Tu comprends que c'est Madame Pigache que je dois croire, dis-je, elle est ta maîtresse. Maman, je ne mens pas, je t'assure, je n'ai pas été insolente. J'ai dit que je voulais bien lui obéir parce que j'étais forcée, mais que je ne la respectais pas. Vous voyez ? S'écria Madame Pigache. Mais c'est une insolence. La plus grosse et la plus grave qu'on puisse faire à quelqu'un. Comment te permets-tu de ne pas respecter une personne que nous aimons et respectons nous ? Maman, elle ne t'aime pas, elle n'aime pas Papa Martel. Je voulus la faire taire, elle s'obstina à répéter. Elle ne t'aime pas, elle est méchante, méchante. J'essayais tous les moyens pour la forcer à demander pardon, la douceur, la raison, les menaces, je n'obtins rien. Elle regardait Madame Pigache avec des yeux d'une dureté incroyable et répétait toujours « Je lui obéirai, je ne la respecterai pas. » Madame Pigache était blême de colère. Enfin, j'envoyai Victorine à sa chambre en lui disant que nous déciderions sa punition à tour tour. Victorine partit, je voulus faire comprendre à Madame Pigache que nous n'étions pour rien dans cet inexplicable caprice de l'enfant et que nous avions pour elle une vive affection et une sincère estime. Mais au premier mot, elle m'arrêta. « Vous n'avez pas commandé à Victorine de me dire qu'elle ne me respectait pas. Je le crois facilement. Mais je ne croirai jamais par contre que cette distinction entre l'obéissance et le respect s'est présentée toute seule à l'esprit d'une enfant de cet âge. Elle n'a été qu'un écho. Elle a répété ce qu'elle a entendu. » Je ne pus m'empêcher de l'interrompre pour lui dire que personne ici n'avait jamais pu parler d'elle en ces termes. Que dans tous les cas, aucun de nous ne lui devait obéissance, tandis que tous nous lui donnions journellement des témoignages d'estime. Elle me répondit d'un ton sec, « Je n'accuse personne individuellement. Je dis seulement qu'il est regrettable que l'enfant fasse déjà cette distinction entre l'obéissance et le respect, car plus tard, elle pourra l'appliquer à ceux qui la lui ont apprise. Je ne leur souhaite point ce châtiment. Cependant, il y a des situations qui commandent l'indulgence et même l'humilité. » À ces mots, qui semblaient d'une application si directe, tu comprends si je fus bouleversé. Je lui demandai ce que signifiaient ces paroles. « Tout simplement, dit-elle, que dans ma vie de jeune fille, comme dans ma vie de femme mariée et légitime, je n'ai jamais donné prise à un soupçon ou à un reproche. que je peux marcher la tête levée et que je saurai me faire accorder le respect auquel j'ai droit. C'est là tout, dit Martel. N'est-ce pas assez clair? Rien n'est moins clair pour moi. Ce n'est pas la première fois que Mme Pigage parle de sa vertu, qui n'est comparable à nul autre. C'est le mot qu'elle a sans cesse aux lèvres, et dans tout cela, je ne vois ni allusion à notre situation, ni menace. D'ailleurs, où aurait-elle appris la vérité? Avant de s'effrayer ainsi, il faut raisonner un peu. De raisonnement en raisonnement, il s'efforça de lui démontrer que Mme Pigage ne pouvait rien savoir, que ses paroles ne s'appliquaient point à eux, et que si elles avaient un sens, ce dont il doutait, il n'y pouvait rien comprendre, par cette excellente raison qu'ils y étaient étrangers. En réalité, il ne les comprenait que trop. Madame Pigache, maîtresse de leurs secrets, était dangereuse au Plessis. Il fallait qu'elle le quittât. Elle avait parlé, elle parlerait encore. Armand ne pouvait pas rester exposé à l'entendre. Tant qu'elle s'était contentée de vouloir exploiter ce secret, elle était jusqu'à un certain point supportable. C'était une affaire d'argent à régler entre elle et lui, à mots couverts. L'intérêt qu'elle avait à ne pas éventrer sa poule aux œufs d'or était presque une garantie de sa discrétion. Connu, le secret n'avait plus de valeur, et son commerce cessait le jour où elle n'en avait plus le monopole. Mais puisque la colère l'avait emporté sur l'intérêt, c'était assez de cette épreuve. Armande pouvait encore rester dans le doute. Qu'une nouvelle indiscrétion fût commise, qu'une allusion échappât volontairement ou involontairement, il ne serait plus possible de la tromper. Il fallait que Mme Pigage partît. Rompre la pousserait, il est vrai, à ne garder aucun ménagement, mais l'on pourrait peut-être l'éloigner sans rompre. D'ailleurs, la supporter maintenant, qu'il se savait bien évidemment à sa discrétion, la voir sans cesse près de soi, trembler lorsqu'elle serait mécontente, n'oser la contredire, endurer les caprices de son humeur ou de sa santé, accepter tête baissée ses exigences, étudier ses désirs avant de parler, aimer ce qu'elle aimait, haïr ce qu'elle haïssait, n'avoir plus ni volonté ni fierté, lui sacrifier la fortune ou l'honneur, les deux peut-être, si elle voulait les deux, vivre dans sa dépendance comme une chose à elle, en tout et pour tout, sans trêve et sans fin, il n'en aurait ni la force, ni la résignation. Et danger pour danger, mieux le valait au loin que dans la maison. Elle devait donc partir, mais elle partirait dans des conditions où elle ne pourrait ni se plaindre ni se fâcher. Si malgré cela elle parlait, qu'elle parlât. Il arrive un moment dans les batailles de la vie, comme dans celles de la guerre, où quand on a mis de son côté, quand on a fait tout ce qui est humainement possible, il faut bien s'abandonner à la fatalité. Le mieux, il le sentait, eût été de traiter avec elle directement cette question. Mais comme il sentait aussi qu'il ne garderait peut-être pas tout son calme et pourrait en trop dire, il aima mieux s'adresser à Pigache. L'habitude était que tous les matins Pigache vint s'entendre avec lui sur le travail de la journée. La nuit passée à arrêter sa résolution, le lendemain les affaires de la ferme expédiées en quelques mots, il entama cette négociation. Madame Pigache m'a fait il y a quelques jours une proposition, dit-il. Le sais-tu? Quelle proposition? Considérant que si je fournis le capital pour l'exploitation de la ferme, toi, tu fournis le travail, elle voudrait qu'il y eût une association entre nous, ou tout au moins un certain partage des bénéfices. Ne m'en veux pas, s'écria Pigache. Je te jure que je n'y suis pour rien. Je ne blâme pas, Madame Pigache, continua Martel. Elle pense à votre fille, à votre avenir, rien de plus raisonnable. Seulement, quant à m'associer à toi ou à te faire une part dans mes bénéfices, c'est impossible. Ça serait insensé. Tu sais comment je me suis fait cultivateur, par plaisir et par goût, et aussi parce que j'ai cru que cela pouvait m'être utile de voir de près la terre et le paysan. Dans de pareilles conditions, je n'ai donc pas tout sacrifié au produit. Prendre un associé me forcerait à changer de méthode. Que nous formions tous deux une société, tu auras droit à ta part de direction. Je ne serai plus seul maître. Et comme avec cela, tu es plus compétent que moi dans l'exploitation pratique et théorique d'une ferme, comme tu as pour toi l'autorité de l'étude et de l'expérience, je ne serai plus rien chez moi. Tu pourras me renvoyer à mon métier, et comme je donnerai à la peinture une partie du temps que je devrai à l'agriculture, pour être logique jusqu'au bout, il faudra que tu viennes partager aussi dans le produit de mes tableaux. Je ne peux donc pas accepter cette proposition. Tu l'accepterais que je la refuserais. J'ai la faiblesse de laisser ma femme agir comme si elle était seule. Mais dans les choses de conscience et de délicatesse, nous sommes deux. En me décidant à faire cette réponse à la proposition de ta femme, je n'ai, comme tu le vois, considéré que ce qui m'était exclusivement personnel, c'est-à-dire mon intérêt et mes commodités. Mais il y a un autre point de vue dans la question, le vôtre. Est-il juste que je profite toujours de ton travail et de ton talent. Tu sais que je ne suis pas comme ma femme, je ne suis pas fait pour être maître, mon ménage te le prouve bien, » ajouta-t-il en souriant doucement. « Mais ta femme est faite pour être maîtresse, elle, ne l'est-elle pas ? Tu penses bien que je n'ai pas entamé cet entretien pour raisonner théoriquement sur le plus ou moins de danger qu'il y a à épouser une femme ambitieuse. J'ai un projet à te proposer. » Si je repoussais l'idée de Madame Pigache, c'était en ce qui touchait le Plessis où, comme je l'ai dit, je veux être maître. J'ai créé la ferme, elle est en partie à moi, nous demeurons sur nos terres, j'ai mes habitudes, Armand a les siennes. Tout cela me fait repousser une association ou un partage. Mais cette idée n'en est pas moins excellente, à condition, bien entendu, qu'on la mettra en pratique ailleurs qu'ici. Le métier de cultivateur n'est pas si maudit que les paysans veulent le faire croire. Avec un capital suffisant, de l'ordre et de l'intelligence, on peut gagner de l'argent. Notre inventaire de l'année dernière, et même ceux des années précédentes, où tu n'étais pas là, le prouve. J'ai le capital, tu as l'ordre et l'intelligence, veux-tu que nous réunissions les trois pour former l'association demandée par Madame Pigache ? Nous séparer ? Oui. Mais pour mieux nous unir. Il est vrai que si nous sommes unis par l'intérêt, nous serons séparés par la distance. Car mon idée n'est pas une idée en l'air. J'ai une ferme en vue, à 7 lieues de Paris, à Fontaine-le-Roi, ce qui nous mettrait à 15 ou 18 lieues l'un de l'autre. Elle appartient au prince et elle est, paraît-il, en très bon état. Pigache, tout en remerciant cordialement Martel de cette proposition, se défendit longtemps de l'accepter. Il avait peur de se laisser entraîner. Il se connaissait lui-même. Il n'avait pas d'esprit de direction. Il n'était bon qu'à obéir. Toutes les raisons d'un caractère honnête et timide et aussi un peu paresseux. « Enfin, » dit Martel, « avant tout, va à Fontaine-le-Roi, emmène Madame Pigache, à qui tu voudras bien soumettre mon idée, visite la ferme, et après nous déciderons. Seulement, ne tarde pas. » Quand Armand descendit, il lui dit ce qu'il avait fait, mais en glissant sur le sacrifice d'argent. « Ceci doit te prouver, » ajouta-t-il en conclusion, « que je ne crains pas Madame Pigache. Si j'avais peur de ses indiscrétions, je ne la pousserais point à bout. Tu pourras donc vivre tranquille. Dans 8 jours, elle sera partie. » En annonçant ce départ comme certain, Martel allait un peu vite, car au premier mot de Pigache s'acquittant de sa communication, Madame Pigache répondit net qu'elle ne quitterait pas le Plessis. « Tu seras bien toujours le même, » dit-elle à son mari, « un enfant te duperait. Tu ne vois pas qu'ils ont peur de moi et qu'ils veulent m'éloigner, et tu prends cela pour de la générosité. » « C'est ainsi, » dit Pigache, « alors restons ici, je ne demande que ça. Restez ici pour qu'on nous méprise, comme je l'étais hier, n'est-ce pas ? « Si tu ne veux pas t'en aller, et si tu ne veux pas rester, que veux-tu ? Que tu me laisses réfléchir tranquillement. » Le résultat des réflexions de Madame Pigache fut qu'il fallait aller à Fontaine-le-Roi voir la ferme proposée. Cela n'engageait à rien. Le résultat du voyage fut qu'il fallait accepter. La ferme était réellement avantageuse et l'on pourrait tirer bon parti de l'association. Dans tous les cas, c'était l'indépendance. Elle ne serait donc plus institutrice. Elle allait être vraiment chez elle. Elle pourrait, à son tour, diriger, commander, se faire obéir. Fontaine-le-Roi est un petit pays de culture. Pigache y aurait la position que Martel avait au Plessis, c'est-à-dire les ouvriers et les fournisseurs dans ses mains. Il n'y avait pas de château, pas de maison bourgeoise, personne de capable ou d'influent. On pourrait le faire nommer maire, un jour peut-être conseiller général. C'était là des avantages qui valaient bien la perte de faire rougir Armande par une allusion plus ou moins directe. D'ailleurs, pour être éloigné, on n'était point séparés à jamais, et pourquoi ne pas se donner la joie de laisser au Plessis quelqu'un qui pût la remplacer ? Madame Pigache avait un trop grand respect de sa supériorité pour s'être créé des relations au Plessis. Le maire était un marchand de grains en gros, riche de 400 ou 500 000 francs, mais malgré cette richesse, il n'était qu'un paysan, disant « javon, jeton », et mettant des « a » partout où il y a des « e », une harse de phare, une pièce de tard. Deux anciens parisiens occupaient les plus belles maisons du pays, mais l'un avait fait sa fortune dans la quincaillerie, l'autre dans la bonneterie, on ne pouvait voir ces gens-là. De tous les habitants du village, un seul avait trouvé grâce à ses yeux, le curé. Non qu'il fût d'une compagnie bien agréable, mais il était curieux et causeur, et puis enfin, il était le curé. La soutane était un pavillon qui couvrait la marchandise. Il avait donc droit à une visite d'adieu, et elle la lui fit la veille de son départ pour Fontaine-le-Roi. Il était à table, et il s'excusa avec 1000 politesses de la recevoir dans une salle à manger, le couvert encore servi, mais elle le savait, on n'avait jamais voulu lui donner un salon. Les curés pauvres étaient bien malheureux d'avoir à subir les refus d'un conseil municipal. Bâti à la mode ancienne, c'est-à-dire coupé au milieu par un corridor, le presbytère n'avait que deux pièces au rez-de-chaussée, d'un côté une vaste cuisine, de l'autre une grande salle. En arrivant au Plessis, l'abbé Blavier avait demandé qu'on prît, au moyen d'un refend, une petite salle sur la cuisine, ce qui lui permettrait de faire, de l'ancienne salle, un salon. Le conseil n'avait pas voulu voter cette dépense évaluée à 75 francs, et il avait été répondu au nouveau curé qu'il pouvait faire comme son prédécesseur, lequel mangeait dans sa cuisine et avait ainsi un salon. Ce qui pouvait convenir à un vieux prêtre ne pouvait pas être si facilement accepté par un curé. D'ailleurs, il avait avec lui sa mère, et la vieille paysanne qui s'était fait la domestique de son fils n'eût pas trouvé convenable de s'asseoir, vêtue de ses vêtements de travail, à la table d'un monsieur curé. Le dimanche seulement elle se permettait cet honneur, dont elle tâchait de se rendre digne en se récurant les mains et en mettant une coiffe plissée. Elle avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour faire de son fils un monsieur qui ne travaillerait pas. À quoi bon avoir dépensé tant de fatigue, enduré tant de privations, si ce fils n'était pas traité en monsieur? C'était son ambition, sa fierté satisfaite qu'elle servait en lui, et s'asseoir à sa table, c'était rabaisser jusqu'à elle celui qu'elle avait eu tant de mal à pousser. Madame Pigache, qui connaissait ses petites douleurs depuis longtemps, ne pouvait guère compatir aux plaintes du curé. D'ailleurs, la compassion n'était pas son côté le plus développé. « Je viens vous faire mes adieux, » dit-elle en s'asseyant. « Comment ? Mon Dieu, oui, nous quittons le Plessis. Il est donc vrai ? J'avais entendu dire quelques mots, mais je ne pouvais y croire. Il n'y a là cependant rien que de bien naturel. Sans doute, sans doute. Voilà donc pourquoi, en me promenant devant chez vous, je n'ai pas vu les rideaux aux fenêtres, et pourquoi ce matin, j'avais vu passer une voiture de déménagement qui se dirigeait vers la ferme. Par discrétion, je n'ai pas cru devoir m'adresser à ceux qui auraient pu me renseigner. On est toujours si malheureusement porté à mal interpréter l'intérêt le plus légitime. Je vous attendais ces jours derniers. J'ai eu peur de vouloir paraître forcer une confiance à laquelle je n'avais aucun droit. Il n'y avait pas le moindre secret. Nous allons prendre une ferme qui n'avait plus de maître et, comme nous la prenons toute chargée, il est de notre intérêt de ne pas la laisser longtemps en souffrance. Est-ce loin d'ici ? À 5 ou 6 lieues de l'autre côté de Paris, à Fontaine-le-Roi. À Fontaine-le-Roi ? Vraiment, je connais beaucoup le curé, c'est mon ancien camarade. Il a le bonheur d'avoir une petite fortune, et il ne demande rien ni pour lui ni pour son église. Son sort est bien heureux, et je l'envie. Maintenant, surtout, ajouta-t-il lourdement, qu'il va avoir le plaisir de votre société. Nous ne pouvions pas toujours rester au Plessis, nous n'y sommes restés que trop longtemps. Pour vos intérêts, je le comprends. Et puis pour d'autres raisons encore. Il n'était pas dans les habitudes de l'abbé Blavier d'interroger. Aussi, malgré toute son envie de connaître ses autres raisons, n'osa-t-il pas les demander directement. « Votre départ va être un grand chagrin pour Madame Martel, » dit-il, « un grand vide pour l'enfant. »« Et pour moi aussi, Madame Armande est une si excellente femme, un modèle de bonté, douce, affable et généreuse, et facile à vivre. » Aimée, estimée de tout le monde. Aussi suis-je bien sincèrement affligé de notre séparation. Ce sont ses qualités et l'affection que j'avais pour elle qui m'ont empêché de partir depuis longtemps. J'étais prise par le cœur, mais pour ma fille qui grandit, la situation devenait impossible. Nos enfants ont cela de bon qu'ils nous forcent à une irréprochable régularité dans notre vie et nos relations. « Quelle situation ? » dit l'abbé entraîné par l'impatience. « Mais la leur, celle de Madame Armande et de mon cousin. » « Eh bien, comment vous ne le connaissez pas ? Ah, mon Dieu, combien je suis fâché !» Elle se tut, puis bientôt, comme si elle prenait une résolution subite. « Je ne dois pas peut-être me désoler d'avoir trop parlé, et j'en viens à croire que c'est un heureux hasard qui m'a entraîné, mieux qu'un hasard, la Providence. À qui, si ce n'est à vous, à un prêtre, confier ce secret ? Alors surtout que vos fonctions vous permettent de renouveler des tentatives qui, faites par moi, ont échoué et qui, répétées par vous, appuyées par l'autorité de votre ministère, peuvent amener un résultat que je souhaite de si grand cœur. » L'abbé écoutait, bouche béante, ne comprenant rien à ces paroles, véritable gâchis pour lui, mais qui, dans leur incohérence habile, n'allait être que trop rigoureusement précisée. Elle reprit. « Je vois que, comme tout le monde, vous vous êtes laissé prendre aux apparences. Il est vrai que jamais rien n'est venu les démentir. Vous croyez mon cousin marié, n'est-ce pas ? Pas marié ? Est-ce bien possible ? Ce n'est hélas que trop certain. pas mariée, et j'ai dîné chez eux peut-être 200 fois. » À cette exclamation, Madame Pigache ne put retenir un sourire. Jamais, vous l'avez remarqué sans doute, ni mon cousin, ni Madame Armande n'ont parlé de leur mariage. Enfin, voilà des relations rompues, car je ne peux pas couvrir par ma présence cette situation déplorable. Si vous le permettez, je vous dirai ce que je croyais possible tout à l'heure quand j'ai achevé de vous confier un secret dont la première partie m'avait si malheureusement échappé. » L'abbé fit un signe de contentement. « Quand je suis arrivé au Plessis, poursuivit Madame Pigache, je ne connaissais pas ce secret, bien entendu, sans quoi je n'y serais pas venu. C'est peu de mois après que des circonstances particulières et tout intimes, que je ne dois pas révéler, me l'ont fait connaître. Alors mon premier mouvement, comme le vôtre, a été de rompre. Mais j'ai été prise par l'affection, je me croyais indispensable aux enfants. Pigache avait des intérêts engagés, et mieux que tout cela, j'espérais pouvoir, par quelques observations amicales, faire cesser cette situation. C'est en voyant l'inutilité de mes observations que je me suis décidé à quitter le Plessis. Mais vous, monsieur le curé, vous n'êtes point placé dans les mêmes conditions. Votre ministère vous donne une autorité que je n'avais pas. Votre caractère vous en donne une plus grande encore. Ne pourriez-vous pas reprendre ma tâche où je l'ai laissée ? Mais pourquoi ne se sont-ils pas mariés jusqu'à présent ? Dit l'abbé. C'est là précisément ce que je me demande. Cela me paraît incompréhensible. Ce sont d'honnêtes gens. Ils ont un enfant. Oui, mais les artistes sont si bizarres. Ils se croient pétris dans une autre pâte que le vulgaire et veulent se mettre au-dessus de ce qu'ils regardent comme des préjugés. C'est par là seulement que je peux m'expliquer cette anomalie. Au reste, vous n'aurez pas plutôt abordé la question avec Madame Armande que vous saurez sans doute à quoi vous en tenir. C'est là une mission qui a ses difficultés et même ses dangers. « Assurément, mais qui peut produire tant de bien si elle réussit ? Cette raison m'a décidé à vous confier toute la vérité. Naturellement, je n'ai pas la sotte prétention de vouloir dicter votre conduite malgré le désir que j'aurais de vous voir réussir. Tout ce que je me permets de vous demander, c'est le secret absolu. » Elle se leva. « Quand partez-vous ? Demain matin. » « Je ne pourrai pas vous rendre cette visite alors. » « Au Plessis, non, mais j'espère que vous voudrez bien nous la rendre à Fontaine-le-Roi. » Ce vous sera une occasion de passer une journée avec votre ancien camarade. Vous me direz si vos tentatives ont mieux réussi que les miennes, ou pour quelles raisons elles ont échoué. Oh, je vous en prie, mariez-les.